le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pompéi en Italie, jolie petite station balnéaire. Pour un week-end à Rome, c'est sans témoin, sans personne. C'est ce que nous disait le chanteur Étienne Dao. Et pour Pompéi, les flots de touristes ont remplacé les coulées de lave. En période de pandémie, c'est sûr, c'est plus calme. Pourtant, les ravages du temps abîment toujours les ruines laissées à l'air libre, avec ou sans touristes. Alors, direction Pompéi pour des balades insolites. Alix Barbet, bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps, c'était en 2011, vous étiez invité sur France Culture et vous disiez « Oh là là, Pompéi, mais on en est presque à vouloir que le Vésuve de nouveau recouvre tout cela pour protéger ces ruines. Pensez-vous toujours qu'il faut protéger ces ruines ?» Eh bien, évidemment. Surtout qu'en octobre 2010, il y a eu cette catastrophe où la Scola Maturarum, un bâtiment, disons pour les gladiateurs, a été soufflé à cause de la pluie incessante. Et donc, nous avons été, avec deux collègues, mandatés par l'UNESCO pour aller faire une mission de contrôle à Pompéi, qui venait depuis très peu de temps d'être nommée patrimoine mondial de l'UNESCO, en 1997. Et donc, ça a été une catastrophe. On a fait deux missions successives et on a mis en danger le label de Pompéi. Oui, parce que Pompéi est fragile. Alix Barbet, vous êtes archéologue, vous êtes spécialiste des peintures romaines, vous avez écrit des ouvrages sur cette question, ancienne directrice de recherche au CNRS, vous avez écrit Cité enfouie du Vésuve, Pompéi, Herculanum, Stabi, et d'autres lieux, faut pas oublier, il y a d'autres lieux. Dites-moi, Alix Barbet, vous vous souvenez de votre première visite à Pompéi, ou en tout cas l'émotion que vous avez pu ressentir? Eh bien, j'ai pas commencé par Pompéi, je suis allée d'abord à Herculanum, qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à comprendre, avec des étages, avec beaucoup d'éléments en bois conservés et donc plus vivants. Alors après, j'ai bien sûr vu Pompéi et j'ai été très impressionnée, bien sûr, et pilotée par les gardiens à ce moment-là, parce que j'étudiais particulièrement des éléments importants. Et surtout, j'ai découvert à Pompéi, il n'y avait pas que les parois qui étaient peintes. Il y avait aussi les plafonds et les voûtes dont on ne parlait jamais dans les cours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens de faire un énorme livre sur cette question. Et je me suis rendu compte assez vite, en faisant des photos, au cours des années où j'ai visité Pompéi, que ça se dégradait de façon abominable. Oui, c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et avec nous également, Claude Aziza. Bonjour. Bonjour. Claude Aziza, maître de conférence honoraire dans langue et littérature latine à la Sorbonne Nouvelle, et vous publiez Pompéi, promenades insolites, c'est publié donc aux belles lettres. Claude Aziza, même question, votre souvenir de Pompéi, votre découverte à vous de Pompéi? Ben ça remonte très loin. J'ai découvert Pompéi entre 75-76. Mon souvenir, c'était, il faisait froid, c'était aux vacances de Pâques, et mon souvenir, ça a été plutôt une montée assez facile du Vésuve et une descente épouvantable dans la cendre. Maintenant, je crois, j'y suis remonté plusieurs fois et descendu, c'est beaucoup plus facile, mais là, au fond, dans le brouillard, le Vésuve dans le brouillard et la descente, ça avait quelque chose de terrifiant. Mais j'étais avec, comme toujours d'ailleurs, avec des étudiants ou des groupes de l'histoire que je guidais. Voilà, c'est un souvenir de brume finalement, ce premier souvenir. C'est un beau souvenir, en tout cas, souvenir de brume de Pompéi, parce que Pompéi est une émotion. Pompéi provoque toujours quelque chose, s'y rendre, en entendre parler. Et ça, ben, on va dire depuis le début. Allez, nous partons en 79, après Jésus-Christ. Mon oncle Pline était alors à Misène et commandait personnellement la flotte. Le 24 août 79, aux environs de la 7e heure, il apprend par ma mère qu'apparaît un nuage d'une grandeur et d'une apparence extraordinaire. Une nuée, on ne sut qu'ensuite qu'elle sortait du Vésuve, Une nuée, donc, apparaissait qui, par son aspect et sa forme, rappelait un arbre, et plus précisément un pin. En effet, dressée tel un tronc svelte, elle semblait étendre ses rameaux. Sans doute avait-elle été d'abord projetée en l'air dès son origine par la colonne d'air, puis celle-ci étant retombée, elle devenait évanescente, s'élargissant, très blanche ici, ailleurs poussiéreuse et souillée par la terre et la cendre qu'elle avait soulevée. Tout cela parut à mon oncle grave et digne d'être observé de près comme il convient à un homme érudit. Lecture d'une lettre de Pline le Jeune, une lettre adressée à Tacite, et Pline le Jeune qui assiste à l'éruption du Vésuve. C'est intéressant parce que dans cette traduction, la date a été mise à notre goût. Pline n'a pas écrit le 24 août 79, parce qu'il n'écrivait pas avec le calendrier que nous utilisons. Mais surtout, Alix Barbet, il n'a pas dû écrire le 24 août. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs copies de la lettre de Pline le Jeune. Celle-ci, qu'on citait pendant longtemps, c'était le 9e jour avant les calendes. Les calendes, c'est le premier jour du mois de septembre. Mais il y a une autre copie qui nous dit le 9e jour avant les calendes de novembre, ce qui nous fait le 24 octobre. Il y en a même une qui dit simplement le 9e jour avant les calendes, c'est tout. Et en fait, depuis de nombreuses années, on a noté qu'il y avait énormément de fruits d'automne. On a trouvé également que les vendanges étaient faites. Donc le 24 août, c'est un peu difficile. Et puis surtout, on avait trouvé une monnaie de Titus, dont on a cru qu'elle pouvait dater du mois d'octobre parce que mentionnait une acclamation, la 15e acclamation. En fait, c'était pas bon. La lecture de la monnaie n'était pas tout à fait juste, étant donné qu'elle était très usée. Et alors, trouvaille extraordinaire, dans les nouvelles fouilles de la région 5, on a cette inscription au charbon de bois qui indique le 16e jour avant les calendes d'octobre, de novembre. Ce qui fait, évidemment, le 14 octobre. Mais il faut se méfier un petit peu de ça parce qu'il n'y a pas la date. On n'a pas le nom du consul. Donc, est-ce que c'est vraiment de 79 que cette inscription au charbon de bois a été faite? C'est possible. Parce que ça ne tient pas longtemps, mais on a à Stabi, dans la Villa d'Ariane, des bateaux qui sont dessinés au charbon de bois, qui ne datent pas de 79. Donc, bon, mais c'est un argument de plus, et je crois que maintenant, enfin, ça fait des années que la directrice des fouilles de Pompéi, moi-même et d'autres archéologues, nous militions pour une datation automnale, et là, je crois que cette fois-ci, tout le monde est d'accord pour parler d'une éruption, non pas le 24 août, mais le 24 octobre 79. 24 octobre 79, bah tiens, c'est important quand ces dates changent, les dates patrimoniales. Et justement, Claude Aziza, patrimoine, Pompéi comme une évidence, mais il faudrait rajouter émotion. Quand vous écrivez Pompéi, promenades insolites, quelle est votre démarche ? C'est une démarche un peu inattendue, qui est, disons, au croisement à la fois de ma fonction, c'est-à-dire j'ai enseigné toute ma vie le latin, langue et littérature latine, donc au point de départ, je ne suis pas un historien, même si j'ai fait mes études, et notamment d'épigraphie avec Marcel Leglet à l'université d'Alger. Mais c'est à partir d'une série d'émotions. Et finalement, sur le tard, au soir de mon existence, je me suis posé une question qu'en général on se pose pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire à Pompéi ? Pourquoi va-t-on à Pompéi ? Je vois très bien les mauvais usages de cette visite, mais en même temps, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que moi, je sais ce que j'ai été voir et faire à Pompéi, et je sais que chaque fois que j'y étais très très souvent, c'était différent. En fonction des gens, en fonction de l'époque, en fonction de mon émotion, en fonction de mes lectures. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de replacer la visite à Pompéi, non pas dans un contexte archéologique que je respecte, évidemment, et que j'admire, mais plutôt dans un contexte émotionnel. Et mon premier point de départ, c'était, on va suivre, non pas un guide officiel, mais on va suivre des personnages de romans à partir du chef-d'œuvre qu'est à mes yeux les derniers jours de Pompéi et qui a installé le mythe pompéien. Oui, parce que ce mythe est là, prégnant, dès qu'il est question de Pompéi. Alix Barbet, je vous voyais opiner de la tête sur cette question d'émotion. Que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a créé un mouvement artistique. L'art néo-pompéien du XVIIIe siècle, il a vraiment drainé plusieurs princes qui ont fait construire des maisons et peindre à la romaine. Il y a plein, et M. Aziza dans son livre dit bien, tous les gens qui ont fait des romans, qui ont, il y a évidemment les derniers jours de Pompéi, qui ont fait des films. Donc c'est extraordinaire, évidemment, l'importance de Pompéi. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que Pompéi. Voilà, c'est ça. C'est important de le souligner parce qu'il n'y a pas que Pompéi. Il y a Herculanum qui a aussi beaucoup marqué les gens au XVIIIe siècle, qui était fouillé en premier, en 1738. Hein, Pompéi n'arrive qu'en 1748 et Stabie en 1749. Et ces trois cités ont servi de modèle aux peintres, aux artistes, aux poètes et aux scénographes. Mais effectivement, au moment de choisir le titre du film, Sergio Leone n'a pas écrit « Les derniers jours d'Herculanum ». C'est aujourd'hui la célébration des Ides de mai. Une manifestation somptueuse doit montrer à l'empereur ainsi qu'à Rome que sous le ciel de Pompéi, rien n'est changé. Julia, ma divine, mon cœur et mes yeux se réjouissent pleinement quand je te vois. Tes conseils et tes avis sont toujours sages. Toi, Arbacès, fais en sorte que toute la ville participe à la fête d'Isis. Ah bah la fête d'Isis, ce n'est pas rien à Pompéi. Et dans le film de Mario Bonnard et Sergio Leone, Les derniers jours de Pompéi, en 1959, Claude Aziza, vous avez un regard aigu sur le cinéma, sur le péplum notamment, sur la manière de véhiculer l'histoire. Ces derniers jours de Pompéi, c'est un jalon dans l'histoire de Pompéi. Absolument, mais juste, si vous le permettez, je voudrais renchérir sur ce qu'a dit Alix Barbet, car effectivement, d'ailleurs c'est une de mes promenades qui est sur les bords du Vésuve, effectivement, non seulement les premiers visiteurs vont, comme le président Desbrosses, vont à Herculanum, certains ne passent même pas par Pompéi, comme l'abbé Barthélemy, et surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'en 1811, le premier roman s'appelle, bien oublié maintenant, que je n'ai pas lu d'ailleurs, s'appelle « Les derniers jours d'Herculanum ». Donc, et effectivement, il y a un film, d'ailleurs, un péplum des années 60 de Parolini, qui s'appelle aussi « Les derniers jours d'Herculanum ». Donc, Herculanum, est à côté de Pompéi, mais peut-être qu'un jour, il faudra écrire des promenades insolites à Herculanum, à Stabie, à Oplontis et partout, bien sûr. Bah oui, écoutez, on compte sur vous, hein, Claude Aziza, pour faire ce prochain livre. Mais c'est vrai que Les derniers jours d'Herculanum, film de 1962 de Gianfranco Parolini. Voilà. Alors, pour revenir au cinéma, ce qui est intéressant, c'est intéressant et en même temps un petit peu frustrant, si vous voulez, c'est que le cinéma, dans son immense majorité, adapte à l'écran le roman de Bulwer-Lytton, « Les derniers jours de Pompéi ». Pratiquement 90% des films sur Pompéi sont là. Alors, on a bien sûr... Ce dernier jour d'Herculanum, on a une espèce de film d'horreur où on voit un Pompéien qui reconnaît une touriste, c'est un peu style la momie, qui va la poursuivre et comme il est dans une gaine de boue, il va se dissoudre dans l'eau comme un cachet d'aspirine en quelque sorte. On a Up Pompéi qui est une comédie lourdingue, on a aussi un porno que je n'ai jamais eu le plaisir de voir, dont l'héroïne est une des fille de la maison d'Azélina, vraisemblablement, bref. Mais reste au fond les derniers jours d'Herculanum et aussi, le voyage en Italie de Rossellini. Alors, ce qui est intéressant dans ces films, c'est pas la façon dont le scénario est traité. En général, il est souvent massacré. Mais c'est qu'on a, au moins dans le film, dans les films muets, en tout cas dans le film de 1913, de Rodolphe, ou bien dans le film parlant, le film de 48 de Marcel L'Herbier, qui commence chaque fois par une vision de Pompéi à l'époque. y compris d'ailleurs dans le film de Rossellini. Donc ce qu'il y a de fantastique, c'est que quand vous regardez le film de Marcel L'Herbier, vous voyez Pompéi en 48, et ensuite vous avez le film. Donc paradoxalement, ces films de fiction sont aussi des témoignages archéologiques sur les différents moments historiques de Pompéi. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce qui peut vous intéresser aussi, Alix Barbet, c'est le regard porté à différents moments sur Pompéi. Tout à fait. C'est très impressionnant. Et j'ai beaucoup apprécié le film de Rossellini. Il y a le côté émotionnel aussi qui compte. Bon, cela dit, on sait très bien que certains films ont été financés, par exemple, par la démocratie chrétienne qui a noirci le culte d'Isis pour essayer de magnifier le culte religieux chrétien, qui n'existe pas réellement à Pompéi. Oui, il y a tout un jeu, effectivement. Nous savons, le cinéma reflète le moment où le film est produit. C'est évidemment pas l'histoire. Et puis, à Pompéi, l'émotion est vite présente parce que Pompéi a conservé ce quotidien, à la différence de Rome, où c'est le grand monument qui est là, l'institution. Oui, à Pompéi, il y a le quotidien, ce qui a ému Robert Etienne, donc grand professeur de l'Antiquité romaine, qui évoquait Pompéi en 1966. Monsieur le professeur, il n'est certes pas étonnant de vous voir vous intéresser à une cité campanienne, mais pourquoi avez-vous choisi plus particulièrement Pompéi? Pourquoi pas Herculanum? Eh bien, je vous répondrai, non pas en normand, et que d'abord, c'est mon maître Carcopino qui m'a invité à écrire cette vie quotidienne à Pompéi, et d'autre part, je crois que tout membre de l'école française de Rome un jour a rêvé d'écrire l'histoire de cette ville campanienne au destin tragique et qui tout de même nous permet, comme dans un livre ouvert, de retrouver des hommes et des femmes. Monsieur le professeur, il y a aussi une autre raison pour laquelle vous avez peut-être choisi Pompéi. Oui, je terminais Bordeaux antique au moment où vraiment je pensais à ce Pompéi. Et à ce moment-là, Bordeaux a eu une grande chance en 1955, lorsque on a découvert une amphore de vin pompéien. Bien avant que cette vigne, la biturique, nous apporte le nectar dont nous sommes si friands, eh bien, Bordeaux a bu du vin pompéien. Bordeaux était à l'heure pompéienne et on comprendra ainsi que j'ai pu moi aussi me mettre à l'heure pompéienne. Voilà, la biturique du professeur Robert Etienne. Alix Barbet, effectivement, là, nous touchons à ce qui fait le succès émotionnel de Pompéi. C'est ces petites choses, ces traces très humaines du quotidien. Absolument. Maintenant, il n'y a pas qu'à Pompéi. Il y a Herculanum, il y a Stabie aussi, où on a des éléments très intéressants, notamment dans les graffitis, qui nous apprennent des choses étonnantes sur les Pompéiens, sur les Herculaniens, si je puis dire, sur les gens de Stabie. Oui, parce que vous venez de publier un ouvrage avec Michel Fuchs, avec un titre exceptionnel, Les Murmures. Voilà. Graffiti gallo-romain. Les Murmures. Absolument. Et donc, on a un écho vraiment de la vie quotidienne des gens, des enfants qui écrivent ABCD, leur abécédaire, évidemment les gladiateurs qui sont magnifiés, ceux qui se vantent d'avoir baisé la nuit d'avant, une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc on a les contes des gens, c'est très intéressant, on a la vie quotidienne aussi bien d'après les gens qu'on retrouve, mais sur les murs, sur les graffitis, qu'il soit à Pompéi, qu'il soit en Gaule, notamment on en a trouvé à Narbonne, un type qui a marqué les sardines qu'il a achetées, combien ça coûte, le pain, l'huile, tout ce qu'il a utilisé pour son dernier casse-croûte. Claude Aziza, c'est également dans votre démarche de mettre au cœur de la réflexion l'humain, le vivant, et ça pour Pompéi, il y a quelque chose qui est extrêmement porteur parce que l'imaginaire peut se projeter. Oui. Alors, si je puis rajouter une petite note érotique à ce que vient de dire très justement Alix Barbet, non seulement on a des gens qui, sur les murs, vantent leur prouesse sexuelle, mais on a aussi des femmes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a une femme qui écrit à Pompéi « J'ai été bien baisée ». Et elle emploie d'ailleurs un terme très actif, qui est « fututor », qui finalement montre que peut-être dans cette étreinte, elle a eu un rôle un peu viril et dominant. Bon, c'est juste une petite parenthèse, mais amusante quand même en ce qui concerne la vie sexuelle, non seulement des Pompéiens, mais encore des Romains. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à propos de cette vie quotidienne. C'est que finalement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au fond, ce qui intéresse dans l'Antiquité, c'est pas le quotidien. C'est ce qui t'intéresse, ce qui intéresse les gens pour leur collection, c'est de trouver des statues, des objets, et puis de les prendre. Collectionnite. Voilà. Et finalement, ce qu'on appelle à l'époque des antiquaires. Et finalement, le premier, assez bizarrement d'ailleurs, le premier qui passe et qui voit cela, hein, après Goethe, après le jeune Mozart d'ailleurs, il faudrait parler de, évidemment, de la Flûte enchantée et du Temple d'Isis, mais le premier qui voit ça et qui dit, tiens, on devrait laisser les choses en l'état, c'est Chateaubriand. C'est ouais. Étonnant de la part de Chateaubriand, qui en général ne manifeste pas beaucoup d'émotion devant les choses, sinon en décrivant des choses qu'il n'a pas vues vraisemblablement, comme le messager B, quand il va au Nouveau Monde. Mais et là, il dit d'ailleurs, il faut laisser tout sur place. Je trouve que c'est assez étonnant et un intérêt que reprendra d'ailleurs des gens, que reprendront des gens comme Mazois, bien sûr. Parce que finalement, et je parle en tant qu'auteur de manuels de latin, j'en ai fait deux. Finalement, le plan de la maison romaine, si on n'avait pas trouvé Pompéi et d'autres choses, on se fonderait sur quoi? Sur Vitruve? C'est extrêmement compliqué. Et là, grâce à Pompéi, d'un seul coup, et grâce à Mazois aussi, bien entendu, d'un seul coup, on a pu avoir non seulement une connaissance, mais en même temps une nouvelle façon d'enseigner l'Antiquité et le latin. Ça aussi, c'est un aspect un petit peu oublié ou inconnu du bien de Pompéi, quoi. Alix Barbet, justement, notre représentation de Pompéi et donc l'émotion qui en découle va avec l'évolution de la science archéologique. Et l'intérêt pour le petit détail, le quotidien, ce qui longtemps a été mis de côté, explique un nouveau regard sur Pompéi. Ce qu'il y a d'important également, c'est justement la connaissance de ces maisons complètes qui vont justifier la création de maquettes et donc énormément de nouveautés sur ce qui se passe dans une maison. On découvre qu'il y a des meubles. On découvre qu'il y a donc des espaces qui sont dévolus pour dormir, pour recevoir les clients. Donc une partie la maison qui est ouverte au public, si je puis dire, et une partie privée. Non, c'est très important tout ce qu'on peut découvrir dans ces maisons grâce à leurs mosaïques, grâce à leurs peintures, grâce aux objets et grâce aux meubles qu'on a pu donc mouler. Et ça, c'est une découverte tout à fait extraordinaire d'un des surintendants du XIXe siècle, Giuseppe Fiorelli, qui va découvrir l'utilité de mouler notamment les squelettes que l'on a retrouvés et dont la, disons, les visages, les vêtements vont être révélés alors qu'ils ont disparu. Alix Barbet, très important de le dire, nous évoquons la découverte de Pompéi, nous évoquons tout ce qu'il y a comme petites choses du quotidien. Et puis, il y a les gens de Pompéi, dont les squelettes moulés sont dans nos esprits. Et ils sont chantés, ces gens de Pompéi, par Georges Chelon. Je vous écris cette lettre de ce qui fut Pompéi, à l'heure où le jour va naître, quand personne ne vient ici. Je vous écris le silence de ces pierres de douleur. À 2000 ans de distance, elles vous lèguent encore la peur. J'imagine un jour de noces, la mariée s'appelle Julia, 16 ans, encore une gosse, mais par l'amour, femme déjà. Je vous envoie son sourire auréolé de laurier. Pour le meilleur et le pire n'a pas tardé. Pompéi, Pompéi, on s'aimait bien à Pompéi, on savait apprécier la vie. comment riait, comment chantait, comment buvait, comment dansait. Bon pays, ville des amours et des plaisirs, était-ce un endroit pour mourir? C'est de là faisait l'amour, quand la nuit chassa le jour. Georges Chelon, Pompéi, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh et Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique, Élise Le. Dites-nous, Claude Aziza, quel est votre avis sur la manière dont sont considérés tous ces gens de Pompéi? Nous avons parlé de ces corps moulés, et ils étaient là, ils étaient vivants, et puis ils sont morts, mais ils sont toujours présents. Alors, comment dire, je vais adopter une position un petit peu hérétique. J'admire l'ingéniosité de Fiorelli, et c'est extraordinaire, ces moulages. J'ai quand même, une réticence. Parce que finalement, ces moulages ont fait que le voyeurisme des gens... J'ai plein de photos de gens en train de photographier ces moulages. Notamment les Japonais. Espèce, entre autres, Alex Barbet. J'ai une photo d'une jeune femme et, en train de photographier. Et alors, j'admire Fiorelli. D'ailleurs, on a un petit peu oublié que Fiorelli a eu pendant un mois et demi, à peu près, neuf semaines, oui, presque deux mois, comme directeur des fouilles, comme Alexandre Dumas. Hein. Alexandre Dumas a été nommé par Garibaldi, directeur des fouilles de Pompéi. Puis ensuite, il n'est pas resté très longtemps, mais c'était Dumas, ça. Et puis ensuite, c'est Fiorelli. Donc, la question que je me pose, moi, je suis très ému. Et pas uniquement par le jardin des, ce qu'on appelle le jardin des fugitifs. Je suis très ému. Et alors, ce que j'ai constaté en lisant tous les témoignages de visiteurs, je n'ai trouvé, et j'en ai lu beaucoup, je n'ai trouvé que dans pratiquement pour personne, sinon dans le journal de Paul et Winnie Bourget. Vous savez, Paul Bourget, romancier à la mode, il est en 91 à Pompéi, il a écrit Le Disciple, on a oublié tout ça. Et c'est simplement sa femme, ils écrivent tous les deux, ils ont un journal à quatre mains, c'est sa femme qui dit que, en voyant ça, elle a été tellement malade. Elle a pleuré et elle est partie. C'est le seul témoignage du 19e, j'en ai trouvé un autre, chez Primo Levi, dans un poème où il met en parallèle le Anne Frank, même si elle n'est pas nommée, cette une petite pompéienne dans les bras de sa mère, et c'est une vietnamienne qui a été tuée. Donc il les met tous les trois en parallèle, avec donc une émotion énorme. Et moi, je ne peux pas regarder ces corps sans penser que c'était des gens qui avaient vécu. Et finalement, j'ai une comparaison qui me vient à l'esprit. Lorsque le Titanic a coulé, en gros, c'est le même nombre de victimes, en gros, 1800 à 2000. Lorsque le Titanic a coulé, on a respecté vraiment ces espèces de cercueils sous-marins, c'est-à-dire on a laissé les gens en place, on a fait un travail considérable, avec beaucoup de respect, pour, au fond, un accident de navigation. Et à Pompéi, c'est quoi? C'est un accident de la nature. C'est pas une ville qui a été tuée, brûlée. C'est pas Rome. C'est pas une ville qu'on a assiégée. Non, c'est des gens comme ça qui sont morts pour rien, d'une certaine façon, pour rien. Eh ben, je pense qu'il faut avoir un peu de respect et d'affection pour ces gens. Oui, ce n'est pas la temporalité d'ailleurs qui compte. Hein. Titanic 1912, Pompéi 24 octobre 79 après Jésus-Christ. Alix Barbet, c'est une question effectivement que l'archéologue se pose au moment de découvrir un corps. Et à Pompéi, le corps, il laisse des traces, mais il laisse surtout la forme de l'ensemble de la personne. C'est une question qui se pose. Ça posait des problèmes parce que on a eu envie de faire des analyses ostéologiques Et donc, on ne pouvait plus le faire du fait que les corps étaient moulés. Donc, on a abandonné en partie cette méthode en utilisant des résines pour essayer de trouver le moyen d'étudier aussi l'ADN. Et c'est ce qui a été d'ailleurs fait récemment pour arriver à savoir qui était qui. Oui, ce qui est déjà très important. On a par exemple deux jeunes personnes qui sont l'un contre l'autre, dont on a essayé de trouver qui ils étaient. On a pu identifier l'un qui était un jeune homme, et non pas, comme on avait cru, que c'était une femme qui tenait son enfant dans les bras. Donc là, il y a, au point de vue scientifique, évidemment, une question qu'on se pose sur l'utilité de faire des moulages ou pas. C'est une question qui se pose avec les progrès de l'archéologie. Alors c'est sûr, cela nous apporte des découvertes magiques, mais que de pas à franchir depuis le XVIIIe siècle, hein, quand a été identifié Pompéi. Attention, témoignage. La direction de ce travail fut confiée à un ingénieur espagnol nommé Roque Joaquin de Alcubierre. Cet homme, qui avait aussi peu de rapport avec les antiquités que la lune en a avec les écrevisses, comme dit le proverbe italien, a causé par son peu de capacité la perte de plusieurs belles choses. Un seul exemple servira de preuve. On découvrit une grande inscription publique. J'ignore si elle était placée sur le théâtre ou sur un autre bâtiment, mais les lettres dont elle était composée étaient de bronze et hautes de 2 palmes. Il fit arracher ces lettres du mur sans avoir fait copier auparavant l'inscription. On les jeta toutes, pêle-mêle, dans un panier, et elles furent présentées au roi dans cette confusion. On demandait d'abord ce que ces lettres pouvaient signifier, et personne ne se trouva en état de le dire. On voit par ces détails la manière dont on gouverne ces travaux, et qu'une si grande nonchalance doit laisser encore à nos descendants un beau champ à de nouvelles fouilles et de nouvelles découvertes. Johann Joachim Winckelmann. LSD, la série documentaire qui s'intéressait à Pompéi, on peut écouter ça sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, eh bien, nous offrait cette lettre de Winckelmann, donc un des premiers au XVIIIe siècle à fouiller Pompéi. C'est une lecture de Daniel Königsberg. Nous entendons bien que c'était un peu du n'importe quoi, mais normal, les choses se mettaient en place. Dites-nous, Alix Barbet, aujourd'hui qu'en est-il ? Aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Les archéologues font un travail sérieux. Mais pourtant, Pompéi est-elle menacée par les archéologues ? De toute façon, il y a un vrai problème. C'est que de fouiller des édifices qui ensuite sont soumis à toutes sortes de pollutions, l'eau, le soleil, faut-il continuer à fouiller, ça c'est le très gros problème que se posait un archéologue, puisque ce que l'on découvre doit être absolument restauré, conservé, protégé et présenté évidemment au public. Et évidemment, il y a au cours des siècles, des améliorations dans les techniques utilisées. Par exemple, je pourrais vous parler de l'utilisation du béton armé pour consolider les portes et les fenêtres à Pompéi, qui est une vraie catastrophe, qu'on a remplacée depuis par du bois tropical en meilleure qualité. Donc, on fait des améliorations. Bon, par exemple, à Pompéi, à Herculanum, on a utilisé la cire pour conserver les bois qui avaient survécu. Mais avec la chaleur, la cire fond et le bois s'abîme. Donc, il y a des améliorations constantes. Est-ce qu'on arrivera un jour à faire de l'archéologie sans fouiller, c'est-à-dire par des systèmes informatiques et autres qui permettraient de voir les choses sans les toucher, sans les sortir à l'air? Mais évidemment, pour le grand public, ça n'a pas du tout la même valeur. Et oui, c'est cette valeur aussi qui est importante pour Pompéi, c'est que le site est ouvert au public. On peut se rendre à Pompéi, et Claude Aziza, c'est un peu ce que vous proposez dans... Il y a 4 millions de touristes. 4 millions, bah oui, alors là maintenant ça s'est un peu calmé. Alors avec là la maintenant pandémie. Oui, c'est mais un peu plus on calme. Est arrivé à 4 millions. Mais ces promenades insolites que vous proposez à Pompéi, Claude Aziza, c'est aussi pour accompagner les touristes, parce que ce n'est pas tout de se rendre sur un site, il faut le comprendre. Absolument. D'ailleurs, ce qu'il y a de fascinant à Pompéi, c'est que derrière la légende, il y a d'autres légendes. Regardez cette histoire de Winckelmann, dont vous avez lu un texte, qui est mort d'une façon assez mystérieuse. Mais il n'y a pas que Winckelmann. Regardez les deux Carolines, les deux reines de Naples, hein, Caroline, la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, et puis Caroline, la sœur de Napoléon, leur vie extraordinaire. Vous savez bien que Caroline, qui a dû fuir deux fois devant les Français, et grâce à l'aide de l'amiral Nelson. Or, l'amiral Nelson, c'est l'amant de Lady Hamilton, qui est l'épouse un peu tardive, il faut dire, très jeune, de Lord Hamilton. Vous savez, tout ça, ce sont des histoires dans les histoires. Est-ce que vous savez que dans le Guépard, la ville imaginaire du Guépard, qui s'appelle Donna Fugata, c'est un hommage à Caroline, la Caroline Bourbon, qui s'est sauvée deux fois de Pompéi, et la mort de Murat autour de Pompéi. Et le général Dumas, le père de Dumas, qui est emprisonné à Naples, ce qui fait que Dumas, toute sa vie, va vouloir venger son père. Et c'est pour ça qu'il va, en partie, qu'il va aider Garibaldi. Enfin, bref, ce sont des légendes dans les légendes. Et ça, c'est fascinant. C'est génial, Claude Aziza. Effectivement, parce qu'il y a l'histoire de Pompéi, l'histoire de cette ville. Il y a l'histoire du site des fouilles, l'histoire des gens qui se trouvaient à Pompéi. Et ça, pour nous, c'est un régal. France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un peu de musique antique reconstituée dans le cours de l'histoire pour parler de Pompéi, Alix Barbet. Il y a un vrai problème, c'est qu'on oublie qu'il peut y avoir des tremblements de terre et des éruptions du Vésuve. Or, il y a par exemple eu un tremblement de terre en 1980 avec des destructions importantes à Pompéi. Il y a eu des morts, bien entendu, dans la région. Et à Stabi, tout le portique qui était magnifique avec ses peintures en place s'est écroulé. Et donc il y a eu des problèmes de restauration. Et pendant des années et des années, moi j'ai vu des étais à Pompéi et on n'arrivait pas à restaurer tout ce qui avait été abîmé. Bon, il y a 1980, il y a 2010, avec la Scola Armaturarum, on ne sait pas ce qui peut se passer. En 1943, bien sûr, il y a eu l'éruption qui a détruit des choses à Pompéi. Donc, bombardement. Bombardement, mais aussi une éruption. Une éruption, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a quelques bombes qui tombent sur Pompéi pendant la Seconde Guerre mondiale. On a du peine à imaginer cela. Mais justement, dans tout ce que vous dites, Alix Barbet, sur cette fragilité de Pompéi, il y a... le tourisme. Il faut de nouvelles découvertes pour attirer les touristes. L'Égypte le fait beaucoup. En ce moment, ce n'est pas le cas. On n'est pas obligé de trouver de nouvelles découvertes. On peut exploiter ce qui a déjà été découvert. Et on peut essayer de drainer l'intérêt du public ailleurs qu'à Pompéi. Comme je le dis, il y a Herculanum, il y a Stabi, il y a Cum, il y a d'autres cités intéressantes où les gens peuvent apprendre plein de choses. Pas forcément à Pompéi. Et puis, justement, les touristes, pendant longtemps, sont arrivés en masse, ce qui posait question. Si chaque visiteur achète un esquimau glacé, imaginez le travail que ça représente de récupérer tous les bâtonnets. Et des bâtonnets répartis sur 15 hectares, à raison d'une poubelle tous les kilomètres, c'est un travail de titan. Sans parler du fait que ces visiteurs laissent non seulement des souvenirs, mais aussi des traces. Les fresques préservées par la cendre chaude résistent difficilement aux caresses. Et il faudrait, pour éviter que le nom ou les initiales des imbéciles de tous les pays ne s'incrustent définitivement sur les murs, il faudrait un gardien au mètre carré, à condition bien sûr qu'il soit réveillé. Et oui, ça c'est le problème aussi. Les touristes ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un musée à ciel ouvert. Donc ils font n'importe quoi. Et moi, je me suis permis de temps en temps de faire des remarques aux gens qui se promenaient. Les inscriptions sur les murs, ça c'est évident. Ils frottent les parois. Et puis sans Le fait de marcher dans les rues, ça abîme évidemment certaines mosaïques. Non, il y a vraiment un vrai problème, évidemment, ce que nous avons appelé, nous, l'érosion touristique, qui est évidente. Alors, par ailleurs, il y a des vrais problèmes, notamment le soleil qui ternit certaines couleurs. Par exemple, il y a un rouge, par exemple, à la Villa d'Émissaire, qui est un rouge cinabre, un rouge très cher, qui coûtait 16 fois plus cher que le rouge d'ocre. Eh bien, soumis au soleil, il devient noir. Donc il y a un vrai problème de protection des sites et des peintures qui sont en place. Alors évidemment, avant, il n'y avait pas de problème puisqu'on déposait les beaux panneaux, les belles peintures qui se trouvent maintenant au musée archéologique national de Naples ou dans d'autres musées comme au musée du Louvre par exemple. Mais c'est peut-être pas une solution non plus. Oui, il faut trouver des solutions. Et justement, Claude Aziza, vous avez pu observer l'évolution de la protection du site de Pompéi. Il y a des choses qui vous ont étonné. C'est-à-dire que quand on regarde à partir de la fiction du 19e, l'évolution du tourisme à Pompéi, c'est très simple. Vous avez 1833, ou hiver 33, Bill Warlington est là, il est tout seul. En 44-50, donc au milieu du siècle, dans la nouvelle de Gautier, magnifique, Aria Marcella, Octavien et deux amis sont là, ce sont des gens riches, fortunés, et il y a pratiquement personne. C'est des touristes fortunés, c'est le tour d'Italie. Et puis, à la fin du siècle, dans la Gradiva de Jensen, le héros, Norbert, est agacé parce qu'autour de lui, il ne voit que des couples en voyage de noces. C'est-à-dire que Pompéi est devenu un lieu de voyage de noces. Il est vrai qu'entre-temps, s'était créée l'agence Cook, hein, et que Mark Twain, guide des touristes à Pompéi. Donc, il y a une évolution du statut. Et cette évolution du statut à l'intérieur de la fiction, bien sûr, parce que finalement, quand vous réfléchissez, Aria Marcella, c'est quoi? C'est l'empreinte d'un saint qui a permis d'imaginer. Et la Gradiva, que Freud adorait, bien sûr, et qu'il a analysé, c'est l'empreinte, c'est un pied. Finalement, un saint contre un pied, on peut hésiter, si vous voulez. Et donc, cette évolution touristique, au fur et à mesure, elle va causer, à mes yeux, plus de ravages qu'on a causé le Vésuve, bien sûr. C'est ça qui fait peur d'ailleurs en pensant à Pompéi et vous, Alix Barbet, archéologue. Il y a ce paradoxe sans nom où la fouille est là pour faire avancer la recherche, mais également pour être diffusée auprès d'un large public. Mais en même temps, ce large public pose problème pour la fouille. Comment s'installe-t-on dans un chantier de fouille à Pompéi avec les touristes autour? Comment avez-vous procédé? Alors, il se trouve que moi, je n'ai pas fouillé à Pompéi, j'ai surtout travaillé à Stabie. Et donc, là, on n'était pas trop ennuyé, il y avait peu de touristes, parce que c'est pas aussi médiatisé que Pompéi ou Herculanum. Mais ce que je constate, c'est que, par exemple, en 1956, 66 maisons pouvaient être visitées à Pompéi, alors qu'il n'y en avait plus que 16 en 1998. Alors là, il y a une amélioration, on a réussi à faire visiter les gens le matin ou l'après-midi, donc il y a moins de monde et on peut rétablir un flux plus raisonnable. Mais c'est vrai qu'il faut penser que Pompéi, c'est 1435 édifices, 515 maisons, donc vous imaginez qu'il faut restaurer, surveiller une quantité incroyable d'édifices. Et donc, il y a aussi un problème auquel on ne pense jamais, c'est que Pompéi n'est pas seulement connu pour les fouilles, il y a aussi le sanctuaire de la Vierge. Et les pèlerins qui abondent en plein milieu du mois d'août, puisque c'est la fête de la Vierge, et il y a un vrai problème aussi entre la Pompéi moderne et la Pompéi antique. Voilà, Isis contre la Vierge. Et Claude Aziza, quand vous entendez dans les actualités qu'il y a une nouvelle découverte, quelque chose d'exceptionnel là récemment, c'est un thermopolium, c'est-à-dire un site... C'est pas si récent que ça, hein. Non, il y en avait déjà plein, en fait. Non seulement, mais ce thermopolium, moi je l'ai vu il y a plus d'un an. Donc c'est une médiatisation qui évidemment est sympathique parce que ça fait penser au fast-food, mais il y a bien d'autres Thermopolia à Pompéi, et celui-là est très beau, c'est certain. Mais il m'inquiète parce qu'il est en plein air, à la rencontre de deux rues, et je me demande comment il va être conservé, parce que les peintures sont superbes, mais elles sont fragiles. Et oui, donc faut protéger Claude Aziza. Vous aussi, vous êtes dit, je vais aller dans ce Thermopolium pour aller grignoter quelque chose. C'est formidable. Vous vous dites, est-ce si intéressant que ça en réalité ? Non, ce qui m'intéresse, c'est que chaque nouvelle découverte peut entraîner des ramifications autour de Pompéi. Pour résumer très vite, je vais partir de la définition du mythe de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit que c'est un mythe, qui est un noyau dur, et puis il y a des variants, c'est exactement comme le virus actuel. Et tous ces variants permettent de compléter chaque fois l'analyse du mythe, ils les appellent des mythèmes. Donc chaque fois qu'on a une nouvelle découverte, chaque fois qu'on a un nouveau roman, chaque fois qu'on a une nouvelle promenade, chaque fois qu'on écrit sur Pompéi, le mythe de Pompéi varie, change, s'enrichit. C'est ça qui est intéressant. C'est infini, si vous voulez. Le problème, c'est que les nouvelles découvertes attisent les convoitises, et il y a beaucoup de vols. Et moi-même, j'ai été témoin, en ayant visité une nouvelle maison découverte en 1975, la maison de Polybius. Il y avait une voûte qui était en cours de recomposition, avec une superbe tête de méduse au centre, qu'on m'a montré, que j'ai pu photographier, que j'ai pu dessiner. Eh bien, elle a été volée, vendue à un collectionneur, et elle se retrouve dans un musée. Et je ne sais même pas si elle va être récupérée, parce que ce qui se passe, c'est que les collectionneurs, très vite, se débrouillent pour que leurs trouvailles disparaissent ailleurs, pour pas qu'on les récupère. Donc il y a un vrai problème également de suivi des fouilles nouvelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le nouveau Grande Progetto Pompei, qui a permis de se développer par conseil, par l'Europe, qui a donné 105 millions suite à nos missions UNESCO, eh bien, ça a permis notamment de consolider le front de fouille, là où, qui avait tendance à s'écrouler, et là où des fouilleurs clandestins, évidemment, récupéraient des objets. Puisque, si vous voulez, au départ, Pompéi, on cherche à faire des fouilles pour avoir des beaux objets, voilà, mais pas c'est pour ça. La science. Et donc, c'est là le problème qui reste permanent. Et qui est déjà présent au XVIIIe siècle. Il y a cette permanence, et puis il y a surtout cette émotion autour de Pompéi, et la visite du mythe, j'ai envie de dire, à côté de la visite de Pompéi. Alors, moi, je conseille, mais on l'aura entendu, Claude Aziza, combien votre Pompéi Promenades Insolites aux Belles Lettres est riche de plaisir, d'émotion et de connaissances sur ce site. Et Alix Barbet, je retiens, hein, cités enfouies du Vésuve, il y a des S, hein, il y a Pompéi, Herculanum, Strabie, Cume et d'autres et d'autres. Et ça, c'est important de le rappeler. Merci vivement à vous deux de nous avoir conduits jusqu'à Pompéi, Herculanum, Strabie et d'autres lieux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment, une réponse éclairante à une question simple que nous nous posons tous. Pourquoi fêtons-nous la Saint-Sylvestre ? Il n'existe sans doute pas de festivité ayant un caractère plus universel aujourd'hui que celle qui célèbre le passage à la nouvelle année. Rituellement, le 31 décembre, les chaînes de télévision nous montrent des images de populations en liesse qui s'embrassent chaleureusement en se souhaitant une bonne année. Nous avons pris l'habitude de nommer ces festivités en parlant du réveillon de la Saint-Sylvestre. Il faut pourtant rappeler que ce rituel n'a rien de religieux, puisqu'il célèbre un événement lié à notre calendrier civil. Dans beaucoup de pays, le calendrier civil ne coïncide pas avec le calendrier religieux. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr le Nouvel An chinois. Le changement d'année a toujours lieu entre le 21 janvier et le 19 février, mais la date varie d'une année à l'autre, car elle dépend de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver, quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau. En 2022, le nouvel an chinois débutera le mardi 1er février et durera jusqu'au 15 février. Alors qu'en Chine, cette fête traditionnelle a une histoire vieille de 4000 ans, en Europe, la célébration du nouvel an, le jour de la Saint-Sylvestre, est beaucoup plus récente.